Lettre 20e. Versailles, musée projeté, souvenirs des Bourbons, les Trianon, mauvais dîner, les eaux de Saint-Cloud. Le château de Versailles, ce merveilleux chef-d'œuvre de la magnificence et de la prodigalité de Louis le Grand, est fermé depuis 18 mois. C'est là un grand désappointement pour ceux de mes compagnons de voyage qui n'ont jamais vu ces vastes appartements et leurs pompeuses décorations, vanté depuis si longtemps et avec tant de raisons. Mais le motif de cette exclusion devrait nous consoler. Tout cet immense édifice est rempli d'ouvriers occupés à le convertir en un musée national, où sera placé tout ce que l'art de plus curieux et de plus intéressant. Si ce projet s'exécute avec la grandeur et la magnificence accoutumées des Français, on aura bien utilisé la coûteuse fantaisie de l'immortel monarque. La conversation, dans une réunion où je me trouvais l'autre soir, étant tombé sur les travaux qui s'exécutent à Versailles, quelqu'un dit que, tant pour la gloire de l'histoire nationale que pour l'encouragement de l'art, le roi avait l'intention d'y former une galerie où seraient représentées toutes les victoires que la France eût jamais remportées. La réponse me divertit beaucoup car elle était éminemment française. Ma foi, la galerie devrait être bien longue et assez ennuyeuse pour des étrangers. Quoique l'on nous eût prévenu que nous ne pourrions pas voir le château, et que par conséquent nous ne pourrions jeter un regard rétrospectif sur les pompes et les grandeurs dont il fut jadis témoin, nous ne résolûmes pas moins d'aller à Versailles, de visiter tout ce qui serait encore visible, et d'évoquer les esprits des 14e, 15e et 16e Louis qui régnaient encore dans ces lieux. Versailles est le palais des souvenirs. Quelque occupée que soit l'imagination en pénétrant dans sa royale enceinte, il semble que pour rappeler des scènes qui n'ont point leur pareil sur la terre, elle est moins à faire ici que dans tout autre lieu, quoique également favorable à l'exercice de ses fonctions inventives. Elle y trouve tant de secours. La gloire de Versailles est morte, mais elle n'y est ensevelie ni effacée. Nous pouvons encore distinguer ses traits, étudier ses nobles contours, reconnaître la grâce majestueuse de ses belles proportions, et nous figurer parfaitement et sans beaucoup de peine ce qu'elle devait être dans toute la vivante splendeur de sa jeunesse. La journée que nous avons passée au milieu des spectres couronnés dont tout annonce la présence surnaturelle à Versailles fut un mélange de beau temps et d'ondées, et nos méditations suivirent les vicissitudes du ciel. On dit que Louis XIV fit construire ce merveilleux palais parce que, de Saint-Germain, il voyait la plaine de Saint-Denis par laquelle son convoi funèbre devait passer, et les clochers de la cathédrale où sa précieuse cendre devait reposer. Saint-Denis était donc le point le plus éloigné auquel sa vue pouvait atteindre lorsqu'il réfléchissait à ce qui se passerait quand il ne serait plus, et sur ce point il n'osait fixer ses regards. Qu'il est heureux l'aveuglement qui nous cache ainsi l'avenir. Si ce grand roi avait pu prévoir les événements qui suivraient le moment fatal dont la pensée lui inspirait tant d'effroi, n'aurait-il pas béni la destinée qui lui permettait de descendre si paisiblement dans la tombe? Dans un lieu témoin des terribles excès de la populace la plus hideuse que jamais les passions des hommes aient fait sortir de ses repères, il est singulier de voir combien d'ornements délicats sont demeurés intacts. La vue des jardins, prise de la façade du château, est singulièrement frappante. Ces jardins ont quelque chose de colossal. Et en dépit de la roideur symétrique de leurs longues allées, de leurs arbres peignés et de leurs fontaines sans eau, il est impossible de les contempler sans éprouver la conviction que les rois seuls de la terre ont jamais pu avoir le droit de s'y promener en maître. Avant de commencer à parcourir la confusion bien ordonnée de bosquets, de statues, de temples, de fontaines qu'il faut nécessairement avoir examinées avant de pouvoir dire que l'on a vu les jardins de Versailles, nous dîmes à notre guide en cheveux blancs de nous faire faire le tour de toutes les parties de l'édifice en l'encourageant à nous raconter les nombreuses traditions présentes à la mémoire de tout habitant sexagénaire de la ville. J'ai bien des fois visité ce musée d'augustes souvenirs, et je n'ai jamais manqué de trouver un guide qui ne se rappela, comme témoin oculaire, les derniers et terribles moments passés en ce lieu par le dernier prince qui l'habita. Celui qui nous accompagna cette fois avait été attaché à l'orangerie. La joie et un retour de jeunesse éclatèrent dans ses accents quand il nous dit que Marie-Antoinette s'était attribué la propriété de tel oranger, parce qu'il lui avait semblé que les fleurs en avaient plus de parfum que celles des autres, et quand il nous montra le myrte à larges feuilles à fleurs doubles dont il cueillait tous les jours, pour la reine, un bouquet que l'on posait sur sa toilette à 2 heures précises. Il connaissait l'origine et l'histoire de chaque arbre, comme un berger connaît celle des moutons de son troupeau. Le vénérable père de l'orangerie date son existence du règne de François Ier, et l'on peut dire avec raison qu'il a une verte vieillesse. L'arbre, surnommé le Louis XIV, et qui est frère jumeau de ce puissant monarque, a tout l'air d'un adolescent à côté du premier, et l'on assure en effet qu'il n'a pas encore atteint toute sa croissance. Oh, si ces orangers pouvaient parler! S'ils pouvaient nous raconter les scènes dont ils ont été témoins, s'ils pouvaient décrire toutes les beautés sur lesquelles ils ont répandu leurs fleurs odorantes, tous les héros, les hommes d'État, les poètes, les princes qui se sont promenés majestueusement sous leur ombrage, oh, qu'ils nous transmettraient de spirituelles méchancetés, de graves avertissements et de tristes réflexions. Mais quoique les orangers fussent muets, notre vieillard parla pour eux. C'était un fidèle sujet de l'Ancien Régime, et l'on eût dit que ces vieux arbres lui avaient transmis avec leur parfum l'attachement à la race pour laquelle ils avaient fleuri pendant tant de siècles. Car pendant tout le temps que j'ai respiré l'odeur suave et aristocratique qu'ils exhalaient, je n'ai pas entendu prononcer un mot qui ne fût du plus orthodoxe légitimisme. Et pourtant, ils continuent à fleurir en dépit des révolutions qui ne les renversent point, et sans se laisser flétrir par l'haleine de l'usurpation, bien plus heureux que ceux qui jadis se reposaient sous leur royal ombrage. Napoléon a laissé moins de traces de sa personne et de sa puissance à Versailles que partout ailleurs, et les naïades et les amadriades lèvent encore leurs têtes sculptées avec une noblesse et une grâce qui nous fait bien sentir la nature passagère de l'intermède qui a été joué au milieu d'elles pendant l'Empire. Toute cette région respire la famille des Bourbons. Là, nous dit notre guide, était l'appartement occupé par la reine, ici celui du roi, plus loin celui des enfants de France, ici celui de monsieur, là celui-là de monsieur le comte d'Artois. On nous fit faire après cela le tour pour arriver au balcon qui règne au-dessus de la porte d'entrée. Là se tenait l'infortunée Marie-Antoinette, son jeune fils dans ses bras, et à côté d'elle son royal époux, déjà condamné en secret, alors que, baissant les yeux, elle contempla les démons, ivres de sang, qui en voulaient à sa vie et qui finirent par l'obtenir. J'avais déjà plus d'une fois entendu raconter cette horrible histoire dans ces mêmes lieux. Je me hâtais donc de les quitter, quoique tout indiquât que le bon vieillard eût volontiers passé plusieurs heures à nous en parler. On avait annoncé que les grandes eaux devaient jouer ce jour-là. Mais quoique la nature entre pour fort peu de choses dans ce spectacle, elle s'en mêla cette fois-ci pour l'empêcher. Il n'y avait pas d'eau. On nous dit que la sécheresse de l'hiver rendrait probablement impossible de les faire jouer de tout l'été. Ce fut là un nouveau désappointement. Mais nous le supportâmes avec une admirable philosophie. Tout en examinant et en admirant les innombrables allégories qui peuplent le parc, et qu'il a fallu un poète aussi bien qu'un sculpteur pour créer, nous nous rendîmes aux deux Trianon pour y méditer sur les perpétuelles vicissitudes de l'influence des femmes, depuis Madame de Maintenon jusqu'à Joséphine. Ce sont de tristes souvenirs, mais qui peuvent servir à consoler la plupart des femmes de la tranquille obscurité dans laquelle elles sont destinées à passer leur vie. Il fallut ensuite songer au dîner, et ce dîner, hélas, fut détestable. Nous y trouvâmes pourtant de quoi rire. Car quand on nous apporta le vin, il nous parut si mauvais que nous en demandâmes de meilleurs. 4 bouteilles nous furent ainsi offertes l'une après l'autre, d'un prix toujours croissant, mais dont la qualité était exactement la même. En ayant fait l'observation à la fille aux yeux noirs du maître de la maison, elle répondit, sans se fâcher, mais aussi sans nier le moins du monde le fait, qu'elle regrettait beaucoup de n'en pas avoir de meilleur à nous offrir. Quand on nous apporta la carte, cette même demoiselle nous dit fort poliment qu'elle ne croyait pas que nous trouvassions 10 sous trop cher pour la peine d'ouvrir tant de bouteilles. Or, comme ces bouteilles, il y en avait 3 de bien bouchées et cachetées, nous ne fîmes aucune difficulté de lui donner les 10 sous qu'elle réclamait. Au nombre des projets que nous avions formés pour la journée, se trouvait celui de voir jouer les eaux de Saint-Cloud. Mais pour y arriver, il fallut monter dans une de ces voitures impossibles à décrire, dans lesquelles les joyeux bourgeois de Paris sont transportés de palais en palais, de guinguette en guinguette. Nous avions renvoyé notre bonne citadine sur l'assurance que nous n'aurions aucune difficulté à en trouver une autre. Mais en ceci, nous fûmes trompés. Le nombre de personnes à voiturer surpassait de beaucoup celui des moyens de transport, de sorte que nous fûmes très heureux de trouver place dans un équipage que nous eussions dédaigneusement rejeté le matin en sortant de Paris. La bizarre gaieté de la foule, courant toutes du même côté, était fort divertissante. Chacun ne pensait qu'à arriver à Saint-Cloud avant l'heure fixée pour le jeu des eaux. Les regards, les gestes, la voix, les paroles, tout indiquait cette légère effervescence des esprits vitaux, qui est le trait si essentiellement caractéristique du pays, et l'ensemble formait un panorama mouvant, si brillant et si animé, que la vue seule en donnait des vertiges. Parmi les singulières voitures employées à cette occasion, il y en avait qui étaient tirées par 5 ou 6 chevaux. Ce n'étaient, à vrai dire, que des charrettes peintes de couleurs brillantes, suspendues sur de grossiers ressorts et recouvertes de toiles tendues à plat. Dans plusieurs de ces voitures, je comptais jusqu'à 20 personnes. Il y en avait quelques-unes où 2 ou 3 places étaient encore vacantes, et rien ne pouvait égaler la joie et le ravissement des voyageurs à la vue des efforts que faisait le cocher pour remplir le vide. Chaque individu que l'on rencontrait sur la route était invité à monter avec des cris perçants de « Saint-Cloud, Saint-Cloud, Saint-Cloud » poussés à tue-tête par le cocher et répétés d'une voix assourdissante par tous ces voyageurs. Quand, par hasard, il passait devant un piéton se dirigeant tranquillement dans la direction opposée, l'invitation lui était faite avec un redoublement de véhémence, accompagné d'éclats de rire qui, loin de l'offenser, donnait toujours lieu de sa part à quelques répliques gaies et spirituelles. Une fois, une voiture de poste passa, se rendant en toute hâte à Versailles. À cette vue, la joie fut au comble. « Saint-Cloud, Saint-Cloud, Saint-Cloud, tournez donc, messieurs, tournez vers Saint-Cloud !» Ces cris et ces vociférations auraient suffi pour faire prendre le mot aux dents à tous les chevaux du monde, excepté à des chevaux français. Ceux-ci, sans doute, sont trop accoutumés à ce vacarme pour s'en inquiéter. Il semblait même que, dans cette occasion, ils partageaient la joie universelle, car ils secouaient leurs cordes et leurs glands, ronflaient et relevaient la tête comme s'ils se fussent singulièrement amusés de ce qui se passait autour d'eux. Nous voilà donc arrivés à Saint-Cloud. Nous et je ne sais combien de centaines de personnes encore, sains et saufs, mais trop tard pour ce que nous voulions voir. Car l'eau avait manqué longtemps avant l'expiration de la demi-heure promise. Les jardins étaient cependant fort pleins, et personne ne paraissait regretter le désappointement que l'on avait souffert. « Je voudrais bien savoir si les Français vieillissent, je veux dire de la même manière que nous, restant assis au coin de la cheminée, et ne songeant pas plus à aller aux fêtes qu'à jouer à Colin Maillard. J'ai vu ici des hommes et des femmes aussi, avec des cheveux blancs, et autant de rides que le plus vénérable de nos 12 juges. Mais je n'en ai vu aucun qui ne me parut prêt à sauter, à danser, à valser et à faire l'amour.